Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne baisse pas les mains, mon frère. Dieu veut que tu persévères dans la prière jusqu'à ce que tu parviennes à l'exaucement. Laisse-moi te dire, il y a des prières qui demandent la persévérance. Ne baisse pas les mains. Il y a des gens qui commencent à te dire, ça fait longtemps que tu pries, tu vas à l'église et ton problème ne change pas. Ne sois pas tenté de retourner dans le monde. Ne sois pas tenté d'aller voir un gourou ou un marabout, mon ami. Tu risques de te perdre. Ne retourne pas. Avance avec Jésus. Oui. La Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton ami, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Matthieu chapitre 6, 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Matthieu 6, 1 à 8. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Ces vérités s'articulent autour des attitudes pharisaïques, des attitudes des pharisiens que nous devons éviter. Ces vérités concernent la manière de donner et puis la manière de prier. Commençons d'abord par la première vérité, la manière idoine de donner. Quand par exemple tu donnes l'offrande, mon ami, il y a une façon, une attitude que tu dois avoir. Quand tu dis que tu veux soutenir un homme de Dieu, tu veux lui donner costume, tu veux lui donner, je ne sais pas, une offrande quelconque, tu veux lui offrir une voiture, tu veux offrir à sa femme les bijoux, tu veux, je ne sais pas, offrir à un frère, l'aider pour la préparation de son mariage, il y a une attitude que tu dois éviter et il y a une bonne attitude. Alors, voyons d'abord ce que nous devons éviter quand nous donnons. Évitons de sonner la trompette devant les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas publier cela. Je vais parler à une dame. Dieu t'a donné un cœur pour soutenir les serviteurs de Dieu. Mais ton problème, c'est que tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui le fais. Alors, si tout le monde maintenant dans l'église sait que c'est toi qui as fait, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu fais ce qu'on appelle le atalaku. C'est-à-dire que tu veux qu'on parle de toi-même, de m'as-tu vu? Là, tu ne recevras pas la récompense. Est-ce que tu comprends? Tu veux que tout le monde dise que les rideaux qu'on a fait, hein, les rideaux qu'on trouve à l'église, c'est toi qui as fait ça. C'est pourquoi Jésus dit ici, au verset 2, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. » La trompette, c'est un instrument, quand tu sonnes là, tout le monde entend. C'est-à-dire, ne fais pas de publicité. Ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Les gens qui sonnent la trompette là, ils veulent être glorifiés par les hommes. Ils veulent que, par exemple, au niveau de l'église, les pasteurs disent que si notre temple est fini, c'est grâce à cette maman. Elle va venir devant. Applaudissons. Oui, dans un sens, ça peut encourager quelqu'un. Mais si peut-être le pasteur de lui-même, c'est lui qui demande de faire ça, ça va. Mais si toi-même tu fais ça pour qu'on t'applaudisse, mon ami, ça ne sert à rien. Lorsque tu as aidé quelqu'un, il ne faut pas que tu ailles dire partout. Tu vois les jeunes là, ni tes témoins n'allaient même pas se marier. Hein? C'est moi qui ai payé la maison. Mon ami, ça là, ce sont les pharisiens qui font ça. Ce n'est pas la bonne manière. Alors, quelle est la bonne manière? La bonne manière, c'est que tu dois le faire dans le secret. C'est entre toi et Dieu. C'est ce que Jésus veut dire. Au verset 3, il dit, « Mais quand tu fais l'aumône, l'aumône, c'est ce qu'on aide, on donne pour aider les autres, les pauvres. Mais ça peut se généraliser, c'est-à-dire quand tu aides ou tu soutiens l'œuvre de Dieu, tout ça, on peut mettre dedans. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » C'est-à-dire, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas dire à tout le monde, « Voilà, c'est moi qui ai fait ceci. » Il dit au verset 4, « Afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le lieu secret te les rendra. » Deuxième vérité concerne la prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de gens organisent des veillées de prière. Mais comment prions-nous? La prière ne doit pas être comme une publicité. C'est-à-dire, moi, je veux que tout le monde sache que moi, je fais jeûne de 40 jours. Bon, si tu as fait jeûne de 40 jours, et puis, ça fait quoi? Tu parles partout. Tu dis, oui, moi, je fais jeûne à sec. Hein? Moi, je fais même jeûne à sec de 7 jours. Moi, même 21 jours à sec. Mais et puis, ça fait quoi? Ton jeûne là, où tu publies partout, tu veux que tout le monde sache. Ce n'est pas ça la bonne attitude. Écoutez ce que Jésus dit. Il y a une mauvaise attitude que nous devons éviter. Il dit au verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » C'est-à-dire, tu fais la prière pour que tous les hommes, tout le monde voit que c'est toi. Il y a des gens surtout qui aiment parler en langue. On dirait parler en langue là, ça devient publicité. Tu te déambules dans toute l'église, tu parles là-haut, tu vois, mon ami, quelle est ton attitude? Tu veux que tout le monde sache que le frère là, c'est lui le plus spirituel. La soeur là, c'est la plus spirituelle. Ce n'est pas une bonne manière. Nous ne devons pas faire de la prière comme une publicité pour que tout le monde sache que je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. Non, ça c'est l'esprit des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Des fois, les gens même qui prient comme ça, tu le vois en train de louer, d'adorer le Seigneur. Ils utilisent même le terme hébreu, Adonai, Yeshua, Hamashiach, tout ça. Mais dans le cœur là, il y a de la foutaise, c'est le péché, ça ne sert à rien. Tu peux faire dire toutes les paroles en hébreu là. Tant que tu n'es pas en communion avec Jésus, ta prière ne sera pas exaucée. Est-ce que tu comprends? Mais quelle est la bonne attitude? La bonne attitude, c'est que, deuxième chose que nous devons éviter, éviter de multiplier de vaines paroles. C'est-à-dire des paroles qui ne servent à rien. Parfois, il y a des gens qui ne font que répéter la même chose. « oh Seigneur, aide-moi, oh Seigneur, mon Dieu, agis, agis, agis, car c'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu. » Mais ça c'est quoi? Des vaines paroles, tu multiplies des paroles qui ne servent à rien. Évitons de faire ce genre de prières, des vaines paroles. Jésus dit ici, au verset 7, « En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il y a des gens qui sont membres de certaines religions mystiques, certaines sectes. Ils récitent des formules mystiques ou des formules kabbalistiques. Vous voyez, c'est la même chose, ils répètent. Ils pensent que c'est à force de les faire qu'ils seront exaucés. Jésus dit, il ne faut pas les imiter. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous prier? Il faut prier dans la discrétion, dans le but d'être exaucé par Dieu, non pas d'être vu parmi les hommes, vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit ici, au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. » Attention, il ne faut pas interpréter ça dans le sens littéral où certains même peuvent dire, bon, donc c'est interdit de prier alors, par exemple, dans l'église ou de prier en dehors de la chambre. Non, il faut comprendre, l'idée ici c'est quoi? L'idée c'est que nous ne devons pas faire de la prière comme une publicité. Parce que le Seigneur sait qu'il veut là, il voit le cœur. C'est ça. Ce n'est pas du matu-vie, ce n'est pas du bruit que nous faisons. Il faut vraiment que la prière soit quelque chose qui sort du fond de notre cœur pour que dans les secrets, nous entrions en communion intime avec Dieu. C'est ça la prière, c'est ça la bonne attitude. Parce que je peux faire trop de bruit à l'extérieur pour que les gens me voient, pour impressionner les gens, alors qu'au-dedans de moi, je ne suis pas en communion profonde avec Dieu. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, l'adorer, en chantant ces cantiques. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À toi Dieu seul sage, À Dieu, il est merveilleux, il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu tout-puissant. Élevons nos voix, bénissons-les, glorifions-les. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je proclame ta gloire, ta grandeur au milieu de nous. Je bénis ta puissance. Merci encore pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous prions et nous prions mal. Nous pensons que ce que nous faisons est bon devant toi. Aide-nous, Seigneur. Souvent, l'esprit des pharisiens est notre partage. Père, souvent, notre Dieu, quand nous aidons les autres, nous le disons haut et fort à tout le monde. Quand nous faisons les aumônes, les offrandes, nous prouvons que c'est nous qui avons fait cela. Nous nous montrons, nous nous glorifions et nous attirons l'attention des hommes et des femmes de l'Église vers nous. Prends pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous ne savons pas comment être en communion avec toi. Et nous multiplions des vaines prières. Nous n'avons pas une communion profonde. Et nous ne sommes pas en esprit avec toi. C'est pour cela que nous venons à toi. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être des adorateurs du vrai Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils. Merci de changer notre manière de prier. Merci de changer notre mentalité. Merci de nous visiter, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, parce que, Papa, tu œuvres encore dans nos cœurs. Tu te manifestes puissamment par ton esprit dans notre vie. Merci encore et merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour toutes tes bénédictions qui ne cessent de pleuvoir dans notre vie, car tu nous donnes l'orientation de faire ce qui est bon et agréable à toi. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous rappelons que vous pouvez télécharger l'application Radio Fréquence Vie sur votre téléphone Android ou votre tablette. Il suffit d'aller dans Google Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous appuyez là où c'est écrit installer ou télécharger, vous attendez. Et puis, vous aurez maintenant le logo de la radio sur le bureau de votre téléphone ou bien votre tablette. Et comme ça, vous pouvez suivre facilement OSP. Nous avons besoin de vos témoignages. Si le Seigneur vous a béni à travers cette émission, faites un retour. Le passage du jour, c'est Matthieu chapitre 6, 1 à 8. Nous venons de voir deux choses que nous devons éviter. D'abord, au niveau de notre manière de donner, évitons de sonner la trompette, évitons de faire la publicité, évitons de faire trop de bruit, de nous vanter. Mais Dieu veut aimer les gens qui donnent dans les secrets, pour ne pas être vu des hommes, mais pour que son nom soit glorifié. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à changer d'attitude, à bannir cet esprit qui recherche notre propre gloire. Que Dieu aussi nous libère de cet esprit de cupidité. Beaucoup de chrétiens n'apprennent pas à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous libère de cet esprit, afin que nous puissions donner non pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, toi qui règnes sur toutes choses, c'est un privilège, c'est une joie pour nous ce matin de te donner une offrande de reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations dans nos vies. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes réveillés ce matin, c'est grâce à toi Père éternel, parce que c'est un privilège qui ne dépend pas de nos bienfaits, de nos réalisations, mais qui dépend de ton amour pour nous. Ce matin, nous te disons merci pour cela. Et nous prions, Père éternel, nous demandons que tu fasses en sorte que nous puissions également donner avec joie, donner avec liberté et donner discrètement pour soutenir ton œuvre. Nous prions, ô Père éternel, contre toute forme de cupidité, contre toute forme d'avarice. Et nous demandons, ô Père éternel, que cette disposition de libéralité qui a toujours été en toi soit transmise dans nos vies, afin que nous puissions donner pour soutenir ton œuvre, donner pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, donner pour contribuer au rayonnement de ton ministère. Père éternel, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et nous ne donnons qu'en retour pour exprimer notre reconnaissance. Nous ne pouvons pas payer par nos offrandes, par nos dons, par nos dîmes. Nous ne pouvons pas payer ce que tu as fait pour nous. Mais nous exprimons notre amour pour toi. Nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Et nous te disons merci, Père éternel. Nous prions contre toute forme de cupidité. Nous prions contre toute forme d'orgueil. Et nous demandons que l'humilité nous habite pendant que nous donnons librement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons aussi de voir dans ce passage la bonne manière, la bonne attitude lorsque nous prions. Nous devons éviter l'esprit des pharisiens. Prier debout, prier dans des coins, faire des bruits pour que les hommes nous regardent. Non. Mais Dieu veut que la prière soit d'abord une question de communion intime avec lui, dans le secret de notre cœur, que nous puissions faire monter vers lui une vraie prière, une vraie adoration, parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'extérieur, mais Dieu regarde notre être profond, notre attitude profonde qui l'intéresse. Prions donc le Seigneur afin qu'il nous aide à être des vrais adorateurs, ceux-là qui recherchent sa gloire. Et bannissons l'esprit de désordre, l'esprit de pharisaïsme, l'esprit d'impressionnalisme qui règne parfois dans nos églises, dans nos milieux chrétiens. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. rendre toute la gloire ce matin, notre Dieu, notre Père, parce que à travers cet enseignement, tu nous révèles des choses importantes par rapport à notre intimité avec toi, notre relation avec toi dans la prière personnelle. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons encourager tous ceux qui aiment prier, mais Seigneur, qui se font voir par leurs paroles, par leur attitude, par leur comportement. On pouvait même dire par les bruits qu'on fait pour pouvoir déranger les autres, pour que les autres sachent que nous sommes là. Nous voulons te prier ce matin. Lorsque nous sommes dans une maison, dans un foyer, au travail, aide-nous à prier dans l'intimité, dans le silence, pour la gloire de ton nom. À travers ce sujet de prière ce matin, nous te demandons que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous oriente. Quelquefois, on a un repas, on nous demande de prier et nous faisons une longue prière. Nous voulons te prier ce matin à nous aider, à être orientés, à être guidés, à être conduits par ton esprit. Parce que nous voulons être des vrais adorateurs, des vraies personnes de prière. Merci Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons que tu nous conduises. Tu nous aides à savoir prier d'une manière personnelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.